Chapitre 8e. Ils rentrèrent à Paris le 1er octobre. Quelque temps après, Raymond eut un matin l'idée d'aller déjeuner chez son ami Cavaroc. Ce Cavaroc s'était fait depuis plusieurs années, par son originalité moitié voulue, moitié sincère, une de ces célébrités de rive gauche qui commencent à l'Observatoire et finissent à la Fontaine Saint-Michel. La nature l'avait pourvu d'un physique assez étrange. Un front démesuré, couronné d'une broussaille de cheveux roux, des yeux très noirs, armé d'un regard aigu, un long nez triste, mince du bout, un teint blafard, des lèvres très rouges, la barbe de même couleur que les cheveux et taillée en pointe, un grand corps osseux, disloqué, tout en angle, comme la figure. Son aspect général était celui d'un clown mélancolique, avec je ne sais quel air d'astrologue ou d'hypnotiseur. On citait de lui de bizarres imaginations. Il avait dressé son chien à faire des incongruités contre les gens quand on lui disait « fais le beau » et à mordre quand on le caressait. Expérience qui, s'il fallait en croire l'éducateur du caniche, prouvait que la morale n'est qu'une convention. On disait aussi qu'il avait adopté un régime à base de lentilles, sous prétexte que la lentille, contenant du phosphore, est un légume intelligent, comme les pois cassés. Tandis que la pomme de terre mérite seulement le dédain des penseurs. C'était une opinion bien arrêtée chez lui que les facultés intellectuelles réclament, comme les muscles, un entraînement raisonné pour conserver leur souplesse et leur vigueur. Aussi faisait-il une heure de trapèze le matin en sortant du lit et une heure de mathématiques le soir avant de s'y mettre, sans préjudice d'une méditation de 20 minutes sur un sujet d'esthétique en guise d'absinthe à l'approche du dîner. Ses cartes portaient Cavaroc exégète. C'est lui qui avait découvert que Napoléon n'a jamais existé et qu'il ne faut voir dans sa légende qu'un mythe solaire. Il exprimait en un langage sibyllin des pensées généralement abstruses et faisait profession d'être misogyne en même temps qu'exégète. Ses camarades l'appelaient Chopin à cause de son admiration pour Schopenhauer, qu'il accusait d'ailleurs de n'avoir pas tout dit. On ne lui avait jamais connu qu'une maîtresse. Ce n'était pas pour que l'on croie qu'il l'avait prise, mais seulement, ou du moins surtout, pour étudier la loi de l'association des idées chez la femme, étude à laquelle il se proposait de consacrer plusieurs volumes, dont 3 ou 4 existaient déjà en notes. Depuis une dizaine d'années qu'il y travaillait, il n'avait encore écrit que les conclusions, en 20 pages tout à fait accablantes pour le sexe. Ces laborieuses excentricités, qui s'enchaînant l'une à l'autre, avaient fini par peser sur sa vie la préoccupation tyrannique de soutenir toujours et quand même ce rôle d'original, n'empêchaient pas ce grand diable d'être un fort brave garçon, obligeant, dévoué, et du plus agréable commerce dans l'intimité. Raymond avait essayé de l'attirer chez lui, mais le philosophe éclair ayant montré peu de sympathie l'un pour l'autre, il avait pris le parti d'aller lui-même rendre visite à Cavaroc quand il éprouvait le besoin de causer avec son vieux camarade. La conversation des deux amis roula d'abord, ce jour-là, sur leurs travaux respectifs. Raymond lut à Cavaroc la fin de son roman, qu'il avait apporté. Cavaroc apprit à Raymond que des expériences faites à Philadelphie, sur 100 individus d'un sexe et 100 de l'autre, avaient démontré que le sens de l'odorat est moins développé chez la femme que chez l'homme. Découverte capitale, paraît-il, et qui excitait au plus haut point son enthousiasme. « Songe, disait-il, que le poids moyen de leur cerveau est déjà de 60 grammes inférieur à celui du nôtre. Qu'en dis-tu? Est-ce assez démonstratif ?»« Oui, répondait Raymond sur un ton de douce moquerie, sans compter qu'elles ont une côte en moins, ça les achève. » Après le déjeuner, Cavaroc alluma sa pipe et dit tout à coup « Eh bien, mon fils, le mariage te réussit-il ? » À propos de quoi me demandes-tu cela? Dans l'intérêt de ma statistique. Tu sais que je travaille depuis des années à dresser le bilan du mariage. Je fais des listes. Ménage très heureux, la page est blanche. Ménage heureux, on m'en indiquait jusqu'à 3, dont un de sourd-muet. Ménage malheureux, mais résigné, 80%. C'est la véritable forme du mariage contemporain. Enfin, ménage malheureux et exaspéré, 19¾%. Dans laquelle de ces catégories dois-je te ranger? Toujours maniaque, je vois. Maniaque, non. Agame, oui. Tu dis, je dis agame. Tu ne sais plus de grec. La monogamie m'humilie pour mon sexe. à cause de l'injurieuse égalité qu'elle suppose. La polygamie vaut mieux. Le harem est une institution louable, conforme aux vœux de la nature, et qui a ce grand mérite de protéger la vie intellectuelle de l'homme contre les envahissements de la femme. L'idéal est l'agamie. Ceci dit, réponds à ma question. Es-tu heureux ? Certainement, je le suis. En ce moment, je ne dis pas non. Tu digères, tu fumes, tu parles à une créature raisonnable, je ne te plains pas. Mais étais-tu heureux ? Tout à l'heure, ce matin, hier, le seras-tu ce soir, demain ? Quand je serai privé de la béatitude de digérer, de fumer, de parler à une créature raisonnable ? Mon Dieu, oui, mon ami. C'est drôle. Pourquoi ? Parce que j'avais une petite idée à ton sujet. Laquelle ? Que tu n'étais pas heureux. Ah, qu'est-ce qui te fait penser cela ? Je ne sais pas trop. Je le sentais. Ça n'a rien de désobligeant pour ta femme, au moins, ce que je te dis là. Au contraire, continue. Si tu te fâches, non. Je ne me fâche pas. Tu m'amuses énormément. Donc, tu me croyais fort à plaindre. Mais oui. Alors, tu comprends, j'ai philosophé sur ton cas. Et il me semble que j'ai trouvé un certain nombre de choses bonnes à t'indiquer. De petits conseils à te donner. Qui n'eussent pas été inutiles, peut-être. Mais puisque je me suis trompé, cela ne servira à rien, n'en parlons plus. Bon, ça ne peut pas faire de mal. Donne toujours ta consultation. C'est que, pour te la donner telle que je la conçois, il faudrait que tu me permisses au préalable de faire deux suppositions qui ne te plairont pas. La première, que tu n'es pas heureux, en dépit de tes protestations. La seconde, que ta femme a un caractère qui s'accommode assez mal avec le tien, qu'elle ne t'a pas compris. Va pour ces deux suppositions. Je suis malheureux, ma femme me méconnaît, c'est entendu. Maintenant parle, je t'écoute avec intérêt. Eh bien, je t'aurais dit, note que je parle au conditionnel, je t'aurais dit ceci. Mon bon ami, quand un homme de ta valeur a eu l'idée parfaitement niaise de se marier, le seul moyen qu'il ait de se réhabiliter un peu est de se faire aimer trois fois plus qu'il n'aime, afin de conserver intact le principe de la supériorité du sexe auquel il appartient. Tu me suis bien, n'est-ce pas ? Parfaitement. Ensuite ? Or, de tout ce que j'ai vu dans ton intérieur, de tout ce que j'ai entendu dire à droite et à gauche depuis que je me dispense d'y paraître, de tout ce que je pressens, il résulte que tu as commencé par aimer trop ta femme, elle, par ne point t'aimer assez, et que tu tolères aujourd'hui qu'elle te rende la vie dure. Anomalie choquante, fait véritablement monstrueux, car il n'est pas dans l'ordre que le faible opprime le fort, que la créature incomplète et fatalement subordonnée réduise en la plus honteuse des suggestions l'être qui, dans la hiérarchie naturelle, la domine de si haut. Tu me suis toujours. Moins bien que tout à l'heure. J'entrevois cependant qu'il te semblerait tout simple que je rendisse ma femme malheureuse tandis que tu t'indignes. Tu as compris. Je vois avec plaisir qu'il te reste encore quelques lueurs d'intelligence. Oui, je l'avoue, je ne suis pas fier de toi quand je pense que tu acceptes d'être celui qui aime. Celui qui souffre, celui qui se lamente et qui pleure. Positivement, cela me révolte. Un homme comme toi. Mais sacrebleu, faut-il donc t'apprendre que l'instinct le plus développé dans ces natures enfantines est celui de la vénération ? Et qu'il suffit par conséquent pour se faire adorer comme un dieu de le bien vouloir ? L'as-tu voulu, toi, Kabarok ? Le temps m'a manqué. Mais si je l'avais eu et qu'il fût entré dans mes principes de me livrer à des expériences personnelles in anima vili, je crois que j'eusse été irrésistible, en dépit de ma laideur, et même un peu à cause d'elle. Tant il me semble que je connais bien le mécanisme de cet instrument dont je n'ai jamais daigné jouer. Ah, Kabarok, si tu savais comme c'est facile de faire des fausses notes. Parle pour toi, mon garçon, qui n'a guère fait autre chose depuis un an et plus. Regarde-toi dans cette glace. Tu as une tête superbe, au lieu d'une racine de bois sculptée comme moi. Mais vois un peu ces cheveux, cette barbe que tu as gardée, comme si tu étais encore au temps où nous vidions des bocs au Voltaire, en faisant de la métaphysique. C'est une tête rive gauche, ça, mon bon, et tu as une femme, on ne peut plus rive droite. Donc il est absurde de ne pas avoir immondé tout cela. Et d'une. Ce costume maintenant, propre, simple, de bon goût, convenable, tout ce que tu voudras, mais pas chic. Axiome. Le mari d'une femme à la mode doit être ultra chic. Veux-tu parier que tu plairais 10 fois plus à Madame Raymond Blachère si tu offrais à ses regards ravis le baron, son époux, sous l'aspect d'un monsieur ayant une jolie barbe courte, des moustaches retroussées et une jaquette légèrement gommeuse. Tes bottines à élastiques sont déplorables. Donne-les-moi, et va t'acheter quelque chose qui fasse valoir ton joli pied. » On n'a pas idée de l'influence de la chaussure des hommes sur les sentiments des femmes. Mauvaise canne aussi. On ne porte plus de ces troncs d'arbres dans le high life, et que tu le veuilles ou non, tu es high life, mon pauvre vieux. Et de deux, dans un autre ordre, qu'as-tu fait pour qu'on t'idolâtre? Tu as mis à ses pieds tout ce qu'il y a de bon, de généreux, de noble dans ton cœur. La belle affaire. Rentre-moi tout cela, grand naïf. Ça servira plus tard, peut-être. Et encore, je ne t'en réponds pas. Pour le moment, du dressage. Parle en maître, décide, ordonne. N'aie plus l'air triste et résigné comme un chien battu. Va dans le monde, non pour y prendre des mines d'appariteur des pompes funèbres, mais pour y briller, pour y plaire. Sois empressé, galant, impertinent, spirituel, fat, et des succès. Des succès de la plus méprisable catégorie, entends-tu bien, des succès de joli garçon. Et tu m'en diras des nouvelles dans 3 mois. Voilà, mon fils, en substance, ce que je t'aurais dit, si je n'avais pas vu ce que je vois encore plus clairement depuis 5 minutes, que tu es absolument heureux en ménage. Quelques instants après, Raymond prit congé de son ami. « Eh bien, » demanda Claire quand il rentra, « vous êtes-vous bien amusé avec ce fou de Cabaroc ?»« Mais oui, ma chère. Sa conversation m'a puissamment intéressé. Allons, tant mieux. Vous a-t-il dit bien des horreurs sur ces pauvres femmes ?»« Quelques-unes, je l'avoue. Vous nous avez défendus, je pense. » »« Mollement. » »« Ah, et pourquoi nous avoir abandonnés ainsi ?» ?»« Je ne me sentais pas d'humeur à discuter avec lui. » Pas plus que vous ne vous sentez d'humeur à être aimable avec moi. Je ne sais ce que vous avez. Il est grand temps que votre livre paraisse, et qu'il ait du succès, si c'est possible. Cela vous rassérénera, j'espère. Le moment de la publication approchait en effet. Bien que ce fussent ses premières armes dans la littérature, Raymond n'avait rencontré aucune des difficultés contre lesquelles ont à lutter d'ordinaire les écrivains qui débutent. Il avait trouvé sans peine un éditeur, au lieu d'être obligé d'aller de porte en porte présenter son manuscrit. Bien plus, on lui avait offert des droits d'auteur plus élevés qu'il ne s'y attendait. Était-ce à son mérite ou bien à sa fortune que l'on faisait si bon accueil? Le jeune homme sut vite à quoi s'en tenir. Il ne se doutait pas encore que dans une société fondée toute sur l'argent, la fortune n'est pas seulement un bien, mais presque une vertu. À ce point qu'il y a présomption de talent en faveur de l'homme qui, n'ayant pas besoin de sa plume pour vivre, daigne nonobstant écrire. La pauvreté lui apparut alors sous son jour véritable. Il vit en elle la plus écrasante des infériorités sociales. Mais, ce qui fait honneur à son caractère, il ne se sentit pas pour cela plus fier d'être riche, et garda la haine du veau d'or avec le mépris du culte abject qu'on lui rend. Le livre parut enfin et fut bien accueilli. Les journaux s'occupèrent de ce roman, et tout en regrettant pour la plupart qu'il procédât de cette littérature d'imagination qui, paraît-il, a fait son temps, ne purent se dispenser d'y signaler de rares qualités. L'œuvre, en effet, était délicate, sincère et saine. L'honnêteté de l'inspiration contrastait d'une manière heureuse, au gré de quelques-uns, avec l'immoralité brutale ou raffinée d'un assez bon nombre de romans contemporains. Il s'y trouvait un mélange d'esprit et de sensibilité qu'il ne laissa point de paraître assez piquant. Le style était d'une probité parfaite, qui reposait un peu les gens des jongleries et des outrances. Au demeurant, on trouva que cet ouvrage de début contenait des promesses, et même quelque chose de plus. Raymond reçut de tous côtés des lettres, lui apportant l'expression d'une sympathie dont Claire fut plus surprise encore que charmée, car elle ne comptait point sur un succès aussi vif. Même elle trouvait au fond un peu fade, l'histoire très simple, légèrement sentimentale et tout imprégnée de poésie rustique qu'avait conté son mari. « Je me suis trompée, » pensait-elle, « il a beaucoup plus de talent que je ne croyais. » Et elle jeta au feu, non sans un peu d'humiliation, ces fameuses notes qu'elle avait prises à son intention, en se disant que jamais elle n'oserait maintenant lui proposer de s'en servir. Parmi les lettres adressées à Raymond, plusieurs devaient avoir été écrites par des femmes. L'une commençait ainsi. « Ah, monsieur, quelle connaissance vous avez de l'âme féminine, et combien vous avez dû souffrir par elle. Que n'est-il en mon pouvoir de panser les blessures qu'elle vous a faites ? Cette lettre était signée Aurore. Elle se terminait par l'offre d'un échange de correspondance sur des matières de psychologie féminine et l'indication d'une adresse poste-restante à Saint-Flour. Claire se montra fort émue de ce billet. Elle le tourna et le retourna, examina avec soin l'écriture, qui lui parut jeune, le papier, qu'elle trouva joli et parfumé. « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette aurore ? » dit-elle sur un ton de dépit assez vif. « Comment pouvez-vous le demander ? Un vieux bas bleu, et de l'espèce la plus horrible, un bas bleu de province. C'est que, s'il était jeune et joli, ce bas bleu, eh bien, après, donnez-moi votre parole d'honneur de ne pas répondre. « Prenez garde, ma chère, » répondit-il avec un sourire un peu amer, « vous allez me rendre fat. » À quelque temps de là, sa femme lui dit, « Est-ce que vous devenez coquet ? Je ne vous avais pas encore vu aussi élégant. Cette renagote vous va, ma foi, fort bien. Vous aviez tort de ne jamais en porter. » « J'ai changé de tailleur, » répliqua-t-il simplement. Quelques jours plus tard, elle poussa un cri de surprise en le voyant paraître. Comment ? Les cheveux courts, plus de barbe, les moustaches en croc ? Ah ça, mais qu'est-ce qui vous prend ? Je n'aurais pas osé vous demander ce sacrifice, mon ami. Et cependant, vous aviez l'air un peu homme des bois, tandis qu'aujourd'hui, il n'y a pas à dire, cela vous va très bien. En novembre, ils recommencèrent à aller dans le monde. Raymond y fut accueilli d'une toute autre façon que l'hiver précédent, sans qu'il fût aisé de discerner si c'était à ses moustaches ou à son talent que s'adressaient les égards nouveaux qu'on lui prodiguait. Les femmes, surtout, se montraient fort empressées, et il parut à Claire que son mari prenait goût au parfum léger de flatterie qu'elle lui faisait respirer. Les maîtresses de maison se disputaient l'honneur de le produire devant les invités. Il tournait au sujet rare, au ténor à succès. On disait, en se le montrant, « C'est l'auteur de Rédemption. » On entraînait dans de petits coins. On le consultait sur des cas compliqués de morale. On le poussait à s'expliquer sur les questions à la mode du moment, le dernier roman, la dernière pièce, et sur d'autres qui seront à la mode de tous les temps, l'amour, le mariage, le divorce. On l'interrogeait, avec une curiosité indiscrète et puérile, sur ses goûts, ses idées philosophiques, ses doctrines littéraires. On lui conseillait d'essayer du théâtre, ou de composer un roman historique, ou bien encore d'écrire des vers. Tout cela, avec des airs de s'intéresser prodigieusement à tout ce qu'il répondait, avec de menus compliments, enguirlandés de sourires. Ces petites scènes, qui se renouvelaient chaque soir, plaisaient médiocrement à Claire. Elle les suivait de loin, non sans irritation secrète. Ces femmes, vieilles ou jeunes, toutes également avides à se frotter à la célébrité naissante de son mari, toutes jacassant autour de lui comme des folles, lui semblaient parfaitement ridicules. Et elle se sentait prise d'une sorte de honte, à la pensée que ses propres allures avaient pu paraître quelques mois auparavant aussi déraisonnables, aussi irritantes, qu'elle trouvait maintenant les leurs. Au lieu de s'agiter comme autrefois, de tourbillonner de pièce en pièce, elle restait volontiers assise dans un cercle de personnes d'âge. « Eh bien, petite, lui dit un jour à l'oreille une vieille dame de ses amies, est-ce qu'il y a du nouveau, que vous voilà si calme ?»« Hélas non. » répondit-elle en rougissant jusqu'aux cheveux. Et la vieille dame fit cette réflexion que sa petite amie avait le ton moins cavalier que jadis. Un jour, elle offrit à son mari de rester chez eux le soir au lieu de sortir. « Ai-je bien entendu ?» dit Raymond. « C'est vous qui me proposez de rester à la maison ce soir ?»« Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à cela ? Vous travaillerez, je lirai près de vous. » Il refusa ce jour-là et fit encore de même quelques jours après, sous prétexte qu'il était impossible de manquer aux engagements pris. Mais Claire ne crut pas que ce fût la raison véritable. Elle avait découvert que deux ou trois femmes de sa connaissance donnaient à entendre que Raymond s'était inspiré d'elle pour composer le portrait de l'héroïne de son roman, et cette prétention la mettait en rage. « A-t-on jamais vu ces pécores, disait-elle, qui veulent toutes, maintenant que vous avez du succès, vous avoir servi de modèle ? Peut-on concevoir une sottise et une vanité pareille ?» Se devint chez elle une idée fixe, que Raymond ne la forçait à sortir, même quand elle n'en avait pas envie, que pour rencontrer ses femmes. Et le monde, qu'elle avait tant aimé, commença de lui plaire beaucoup moins. Sur ces entrefaites, un matin qu'elle galopait avec Raymond dans l'allée des poteaux, son cheval prit peur et l'acheta de côté contre un arbre si malheureusement qu'un assez grave épanchement se déclara au genou. Le médecin ordonna le repos absolu. À la grande surprise de Raymond, ce fut avec une parfaite résignation que la jeune femme accepta cette prescription de garder la chambre. Comme Madame le couturier était alors à Nice, où elle devait passer l'hiver, Madame Blacher vint s'installer auprès de sa belle-fille, qui lui fit le plus tendre accueil. Ces longues causeries recommencèrent entre les deux femmes. Au début de sa réclusion, Claire fut d'une gaieté charmante. Elle riait dans son lit, bavardait à plaisir, et tenait les propos les plus divertissants. C'était à croire qu'elle était enchantée de son accident. Mais son humeur changea tout à coup quand Raymond, qui avait passé auprès d'elle les premières soirées, annonça un jour qu'il était obligé de sortir après dîner. La jeune femme se montra ce jour-là nerveuse, inquiète, irritable, et se plaignit de ce que son mari ne pouvait plus maintenant rester deux soirs de suite à la maison. « À qui la faute, mon enfant ?» dit tranquillement sa belle-mère. « Raymond n'était pas mondain. N'est-ce pas vous qui l'avez poussé à le devenir ?» L'observation était si juste que Claire n'essayait même pas d'y répondre. Seulement elle cacha sa tête dans l'oreiller, comme un enfant, et se mit à pleurer. Ce que voyant, Madame Blacher s'approcha du lit en souriant doucement, se pencha vers elle, l'embrassa, essuya ses larmes et dit avec une tendresse infinie « Là, là, mignonne, calmons-nous. Il paraît que nous sommes devenus bien sensibles, ma chère fille. »